Laurent Simoni qui joue où déjà, Frédéric? Eh bien, c'est au Comic Hall, c'est 8 rue Pradier, c'est dans le 19e arrondissement de Paris. C'est le jeudi, vendredi, samedi à 20h30. Et toi, t'es où en ce moment au fait, Fred? Profites-en de faire la promo aussi. Eh bien, au Comic Hall aussi. Aussi? Moi, c'est aussi. Moi, c'est le vendredi et le samedi, mais à 19h30. Et on y va comment? Ben pas avec ta voiture, toi. Hein, ben là, tu l'as foutu dans un mur. Allez, c'est parti, on va se marrer avec Laurent Simoni. Alors la première question, on commence toujours par une question qui est destinée à Maurice. Pourquoi? Quel agrume? Ah, je peux pas répondre, moi. Quel agrume est fêté à Menton? Les citrons. Bonne réponse de Maurice. Non, ouais. Maurice. Et il y a un très joli défilé de chars de citrons. Des chars de citrons. Et, les chars sont tirés par quoi? Par des tracteurs. Ah, c'est pas des vaches? Non. Parce que tu avais une blague à nous raconter sur la vache et le citron, il me semble. Non. Oui, parce qu'il faut expliquer à Laurent que Maurice a des blagues récurrentes. Oui. Ah bon. Oui. Deux. Il y a la blague du clocher. La blague du clocher. Et la blague des vaches et des citrons. Tu peux lui demander, Laurent, peut-être qu'il te raconte la blague du clocher. Mais je lui raconterai. Bon, alors, Maurice, comme tu as bien répondu, tu vas pouvoir initier cette première tournée de blagues. Oh, ça. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Des très courtes et tout. De toute façon, on s'attend pas à des très longues. Ah. Quel est le comble de la confiance? Péter quand on a la chiasse. Voilà. Quel est le comble pour un électricien? Non, il y avait aussi faire un 69 avec un cannibale. Ah, voilà. Bravo. Ah, tu l'as déstabilisé. Quel est le comble du jardinier? Ah bah c'est sous ta poêle devant ses tomates pour les faire rougir. Non, c'est de raconter des salades. Ah, oh bravo, bravo. Je sais pas si on doit applaudir. Ouf. Alors Merde, ça va dans ce sens-là. T'étais pas prêt? Bah, dis donc Caroline, oui, dis donc, mais t'es malade? J'ai vu sortir un médecin de chez toi ce matin. Bon, écoute, fais pas chier. Moi, j'ai vu sortir un militaire de chez toi hier soir. Et que je sache, on n'est toujours pas en guerre. Je passe ma place. Je passe mon tour à Laurent. Ah. Qui je crois, a des petites devinettes intellectuelles à nous dire. Oui, tout à fait. Alors, je l'ai préparé avec amour, celle-là. Oh, bah, je t'en prie. Hein. Non, ça va. Alors, pourquoi la position préférée de Paris Hilton est-elle celle du missionnaire? Non, c'est pas. Tu dois savoir, Frédéric. Oui, bah oui. Bah moi, je sais pas non plus. Vas-y. Non, c'est pas. Non. Vous avez déjà essayé de remplir une gourde à l'envers? Et Laurent, peut-être avoir un petit extrait du spectacle? Il n'y a pas des petits morceaux qui peuvent se jouer comme ça, non, pour le public nombreux? Non, devant ce qui est nous. Bien, c'est qu'il ne te prend pas par surprise en plus. Non, c'est bien. Non, bah juste une petite anecdote comme ça, que hier, j'avais été chercher du boulot. Ah. Ouais, alors j'avais tout préparé, ma photo, mon CV, ma... Lettre de motivation. Ouais, non, bref, j'étais aussi motivé qu'une lettre. Merci Philippe. J'arrive devant le pôle emploi. Fermé. Ah bon? Ouais, mais c'était en grève. Alors que je n'en veux pas, on était dimanche. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Mais bon, il pourrait faire un effort. Hein. Quand même. Moi, j'en fais bien, moi. Oui, tu y vas le des dimanche. Fois, je me lève le matin. Après, ils vont se plaindre que les gens n'ont pas de boulot. Alors, c'est très visuel, hein, comme ça. oui, alors, voilà. Donc, pour ne pas rentrer bredouille, hein, je suis rentré dans une boulangerie. Je demande un pain pas trop cuit, s'il vous plaît. Oui, ça c'est pas compliqué. La femme derrière le comptoir me regarde dans les yeux et me dit: j'en ai pas. Ok, appelez-moi le directeur. Alors là, un homme en blouse blanche et moustache noire arrive. Je me fais la réflexion moi-même. J'ai rarement vu un boulanger aussi moustachu. L'homme me regarde dans les yeux. Frédéric, s'il te plaît. L'homme me regarde dans les yeux, je le regarde dans les yeux. Bref, on se regarde dans les yeux. Oui. quand il me dit « Ce n'est pas une boulangerie ici. » Je regarde autour de moi, là c'est très visuel aussi. Hop, pas l'ombre du soupçon de l'esquisse du début d'un croûton de pain. Je regarde l'enseigne extérieure. Pharmacie. Oh. Ça peut arriver à tout le monde de se tromper, les deux se terminent en I. C'est vrai, oui. Bravo. Merci. Bon, la petite Nathalie, 7 ans. Ah. Elle est dans son jardin. Viens voir Pépé Bob. Elle est dans son jardin, elle fait un trou et puis il y a son voisin qui l'aperçoit. Bah alors, bah, qu'est-ce que tu fais, ma petite Nathalie ? Ah ben, j'ai comment mon poisson rouge est mort, donc je suis en train d'enterrer mon poisson rouge. Mais t'en fais un bien grand trou pour enterrer un petit poisson rouge. Il dit oui, mais comment c'était à cause de votre chat ? Comment ça à cause de votre chat ? Parce que mon poisson rouge, il est dans le ventre de votre chat. Bien raconté, elle doit être bien. Oui, peut-être. Ouais. Si, c'est marrant. Alors, un routier passe la frontière au volant de son 20 tonnes. Un douanier l'arrête et lui demande « Que transportez-vous ? » 10 000 huîtres. 10 000 douzaines d'huîtres, pardon. Oh là, Et oui, frère, je vois. Ça en fait 12 de plus. Alors, ouvrez-les. Alors, une petite question, peut-être ? Avec plaisir. Ah, oui, une question. Oui. Mais difficile. Difficile. Parmi les 7 merveilles du monde, oui. Laquelle est encore presque dans son état originel ? Dalida. Non, la comment la pyramide de Khéops. Oui. Et elle s'appelle comment ? Josiane. Je crois. Elle s'appelle comment ? Ah non, elle a un nom, la pyramide en question. C'est les pyramides de Gizeh. C'est ça, Gizeh ? On dit pas Gizeh plutôt. Oui, ouais, c'est Gizeh. Gizeh. Alors une bonne réponse de Laurent Simon. Ouais, c'est Ah, il est énervé, Philippe, quand Bob trouve vite. Quand... Alors, Laurent, aussi, c'est à ton tour maintenant. Oui, parce qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord. Je vais rester sur le thème de Paris Hilton. Ah oui. Ça me semble très bien. C'est tout un poème, Paris Alors, Hilton. C'est une devinette. Oui. Comment Paris Hilton peut-elle obtenir plus de neurones ? Hein, en se mariant ? Non, en étant enceinte. un mec complètement sous rencontre des jumeaux. Je vois double. Non, nous sommes jumeaux. Ah, tous les quatre ? Alors, à propos de jumeaux, Philippe, tu te rappelles de cette blague qu'on a racontée plusieurs fois, d'une histoire belge ? Oui. Le type qui arrive à la maternité et qui voit sa femme et qui a accouché de jumeaux, il savait pas que c'était des jumeaux, il voit et il fait salope, dis-moi tout de suite qui est le père du deuxième. Mais figurez-vous que c'est vraiment arrivé. Ah oui. Non mais c'est pas des conneries. Il y a une femme qui a accouché de jumeaux qui n'étaient pas du même père. Non mais c'est incroyable. Ouais. Voilà, c'est tout. Oui. D'accord, merci Fred. Maurice, ça m'est à toi. Ah oui. Pourquoi la mère de Napoléon n'a jamais déménagé de son logement ? Laetitia, je ne sais pas. Si elle a déménagé ? Non. Mais non. Bah, si. C'est parce qu'elle avait un bon appart. Ah. Oh ! Très bien ! Ouais. Alors, et puis en plus, l'hiver, il faut lui couper un bras à la statue que tu mets dans l'appartement. Mmh. Et là, ça fait un bon appart de manchot. Je vous jure, on n'a pas répété. Hein. Alors, dans l'émission, vous savez, peut-être de temps en temps, on pioche dans les archives. Ah oui. Parce que l'émission, quand même, existe depuis plus de 20 ans. Alors, ça a commencé sur la TSF. Presque. Et nous avons autour de cette table d'ailleurs qui est avec nous aujourd'hui puisqu'il assiste à l'émission, mais nous avons notre ami René qui a participé de nombreuses fois à l'émission qui racontait toujours des petites blagues mignonnes. Un routier rentre dans un restaurant pour routier, il pose ses couilles sur le comptoir et dit « Je voudrais un steak gros comme ça ». La patronne soulève son tablier et lui dit « Et signant comme ça, je suppose ». Bravo René. Bravo René. Et moi aussi je peux. Oui. Ma blague préférée, c'est un type qui vient d'être admis à l'asile et il rentre et il dit il y a un monde fou là-dedans. C'est une de mes préférées. Laurent Simoni. Je suis sûr que tu es amateur de bons conseils, des conseils pour la vie de tous les jours. Oui. Alors notre ami Bob ici présent a les bons conseils. Comment Bob, qu'est-ce qui t'arrive? Il est pas prêt. Ah. Ben non, je suis pas prêt. Tu me prends comme ça. Bob. Que va dire ta femme? Oui. Donc les bons conseils de Papy Bob. Voilà. Et bien comment faire fuir les souris? Les souris, les petites bêtes, hein. En mettant des tapettes. Et non. Alors? Avec une odeur particulière. Oui, avec des feuilles de quelque chose. Ah, de quel de shit, des feuilles de shit. Parce qu'elle fume. Non, mais ça les fait fuir. Quand on fume du shit, il y a jamais de souris. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et pourtant, ça sent. Hein. On va plus avoir de content le patron. Donc c'est un truc qu'on sert en cuisine. On me fait signe. Oui. On me fait signe effectivement. Oui. Non, pour la police qui nous écoute, on ne fume jamais de shit. D'accord. Non, on peut pas mélanger le shit avec la coke. Donc c'est. On va se faire des copains là. Shit et couvert. On peut mélanger le shit et le couvert. Oui. Ah, le shit et le couvert. Ah mais je vois qu'il s'est bien acclimaté. Je m'adapte très vite. Alors, elles ont horreur du laurier. Oui, bah deux secondes, laisse-moi répondre. Il est vexé. Non seulement il répond aux questions en une seconde, Fabrice gueule parce que les réponses sont trouvées tout de suite. Mais il répond à ces questions. Il donne les réponses. Alors je sais pas, le thym. Ah non, c'est dans le bouquet, oui, vas-y. Ah, le laurier. Bravo, Fred. Et tu sais comment je le sais? Non. Parce que tu l'as déjà posé, cette question. Non, j'ai jamais posé. Ah si. Les souris n'aiment pas le laurier. Donc vous déposez ces feuilles de laurier à l'endroit où elles se promènent souvent. Évidemment, t'as déjà vu beaucoup de lauriers autour de souris autour de Jules César. Et donc, ça les fait fuir. Ah. C'est intéressant, ça, parce que moi, j'ai des souris chez moi. Ah. T'as des souris chez toi? Oui. Alors parce que tu les ramènes de boîte à 3h du matin. Il y a un autre truc qui fait sauver les souris. Oui, c'est quoi? Il faudrait que je te prête F. F, c'est la femme. C'est sa femme. Mais elle a une bonne chatte et. Oh là là. Philippe, tu lui envoies la cassette de l'émission. Elle vient quand? Elle vient tripée. Elle vient jamais. Elle ne vient jamais. Non, elle vient pas. Non. Bon, bah Bob, on peut quand même te féliciter. Merci. Et t'applaudir. Bravo, pour ce Bob. Très bon conseil. Donc, tisane de tilleul, de laurier. Alors que nous, on nous a amené des petites boules, c'est bon aussi. Oui, c'est régime en plus. Ah ouais, le régime. Maurice, des nouvelles de télé loisirs? De mes loisirs. Non, de télé loisirs. J'ai pas de nouvelles de télé loisirs. Mais par contre, j'ai des perles de mon assureur. Lequel? AXA. Ah mais comment ça se fait que tu parles toujours de AXA? Parce qu'ils m'ont prêté de l'argent. Mais parce que, parce que AXA a à dire. Ils t'ont prêté de l'argent. Ils t'ont fait un taux à 0%. Il y a 4 0%. Ah, de matière grasse. Ah, voilà. Ouais. Alors, dans certains courriers qu'ils reçoivent après les accidents, j'ai heurté une voiture en stationnement et je me suis bien gardé de me faire connaître auprès de l'automobiliste. J'espère que vous serez content et que vous pouvez faire un petit geste en m'accordant un bonus supplémentaire. Ah oui, t'as raison. Ouais. On va te l'accorder, ton bonus. Circonstances de l'accident. Est passé à travers une porte vitrée lors de l'opération porte ouverte de l'entreprise. Il devait pas être à jeun, celui-là. Quand même. Alors, une autre, là. J'ai heurté brutalement l'arrière de la voiture qui me précédait, mais grâce à mon casque, ma blessure au poignet est sans gravité. Bravo Maurice. Alors, une petite question intellectuelle pour Bob, notamment. Merci. Mais pose des questions cinéma que je réponde. Qu'avait de particulier l'écriture romaine? Les chiffres romains, tu veux dire? Non, l'écriture. Les... On pouvait difficilement effacer. Les lettres romaines avaient une particularité, l'écriture. Quand les Romains écrivaient, ils écrivaient d'une certaine façon. Oui. De droite à gauche. Non. Ah, ça, c'est pas les Romains. Il n'y a que les Romains qui arrivent à le lire. Non. Ah ben, je l'ai cherché, puisqu'on m'a dit que je répondais trop vite. Ah, il le sait. Je l'ai cherché, c'est tout. C'est dans la manière d'écrire? Oui. Ils écrivaient les lettres comme les chiffres? Non. Bah, effectivement, ils écrivaient les lettres. Comme, les chiffres sont des lettres. Voilà, les chiffres sont des lettres. Mais oui, c'est pas ça la particularité. Non, mais c'est dans la, comment dire, dans la manière, pas dans le rendu. Pas dans ce que ça rend une fois que c'est écrit. Si. C'était que des lettres, que des consonnes. Non. Que des consonnes. Voyelles. T'imagines Ah bah, on sait pas, hein. Parce qu'il y a, par exemple, t'as Baba au Rhum. Oui. T'as le Danum. Oui. T'as Petit Référendum. Donc, Petit tu vois, bonhomme. Donc tu la vois, l'écriture romaine. Oui. Eh ben, elle a un truc de particulier. Oui, oui, bah demande à Fred. Bah Bob, là, il y a Fabrice, ça l'arrangerait que tu trouves, parce qu'on est en on doit rendre l'antenne. Alors, il y a déjà une première particularité, c'est que dans les chiffres romains, oui, il n'existe pas le zéro. Mais oui, là, je te parle pas des chiffres, moi, je te parle des non, lettres. Non, mais en fait, il fait croire qu'il sait, mais il sait oui, pas. Non, mais il sait pas du tout. Ah, l'escroc. Quel escroc. Il oui, n'y a pas de... Oui, bah, Maurice. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de ponctuation. Non. Il n'y a pas de courbe. Non. Connasse. Tous les ah oui, il n'y a pas de comment on appelle, il y a que des oui, des lettres majuscules. Bonne réponse. Voilà, bravo. Une question pour Maurice. Oui, le problème c'est qu'il répond pas aux questions qu'on lui pose, il oui, répond à d'autres questions. Mais c'est pas grave, c'est le principal. Au c'est... moins c'est de participer. Voilà, voilà. Merci, voilà. Miss. L'important c'est de partir pisser. Quelle est la particularité de la commune de Saint-Véran? C'est tout. C'est où cette c'est dans le Calvados? Non. Dans le coin? Non, parce que je vais pas vous dire où c'est, parce que sinon vous allez trouver tout de suite. Ah oui. C'est son fromage? Ah, il doit y avoir du fromage. Oui, bah Saint-Véran. Saint-Véran. Saint-Véran. Une commune oui, de Saint-Véran a une c'est particularité. Dans le c'est dans les. Non. Dans... C'est sur le bord du Rhône, quelque non, part. Non, pas du là, tout. C'est pas pareil. C'est sur la côte atlantique? Non. Ils font du fromage au raisin sec. C'est dans l'est. Ah, peut-être. Il y a peut-être du fromage au raisin sec. C'est dans le. C'est dans l'est. Non. Non, c'est dans le. Comment ouais. Dans le Massif Central. Non. Mais non, c'est le centre. C'est dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est dans le centre. Ah, non. J'ai non. Dit tout à l'heure, Maurice a demandé si j'étais dans le centre. J'ai dit non. Alors si ah, tu dis alors. Massif Central, tu vas te faire insulter par Maurice. Ah bon. Est-ce que c'est dans le Nord-Pas-de-Calais? C'est dans le Sud-Ouest. Non. Est-ce que c'est dans le Nord-Pas-de-Calais? Non. C'est pas la pédophilie alors. Tu vas pas nous saouler, hein. C'est pas gentil, ça. Oh, non. Pas très est-ce que, non, Saint-Véran, ça sonne pas comme une ville de l'Est. Non. Si on coupe la France en quatre. Oui, Maurice. Bob. Oui, tu as connu. C'est dans le nord, dans le nord-ouest. Non. Dans le sud-ouest. Non. Dans le nord-est. Non. Ou dans le sud-est. Oui. Ah. Ouais, tu vois. Est-ce que c'est dans le Var? Est-ce que c'est dans le Var? Non. Dans les Alpes-Maritimes. C'est dans, non. Dans les Alpes. Oui. Ah. Dans les Alpes, dans les Hautes Alpes. Alpes. Dans les Alpes. Dans les Alpes. C'est là où il y a c'est la plus haute commune de France. Non. Ah, mais c'est, on se rapproche. Oui. Ah, c'est la plus basse commune de France. Dans parce les Alpes. Est dans les Alpes, par exemple. Ça arrive. Oui. Ça arrive. Oui, il creuse. Fait. Oui. C'est la plus petite commune de France. Non. Mais Fred était quand même très proche de la réponse. Alors qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit que c'était. Bah, t'écoutes pas en plus, quoi. Bah oui. Non, j'étais c'est perturbé là où y a le par train serveur. Qui, non, c'est pas là. Il y a le train qui monte le plus haut. C'est dans le. Non. C'est là. C'est la. Alors, j'ai dit que c'était la plus haute commune de France, mais c'est pas ça. Non. Qu'est-ce que ça pourrait être? Mais c'est presque ça. Hein. C'est le. C'est le point culminant de la... des Alpes. Non. C'est la. C'est la commune qui reste le plus enneigée longtemps dans les Alpes. Non. Est-ce que c'est par rapport à sa situation, c'est par rapport à sa situation géographique? Tout à fait. Non, mais ta réponse est partiellement bonne. Ah, il manque quelque chose dans sa réponse. Et c'est-à-dire, il y a quelque chose dans sa réponse qui est pas bonne. C'est la station la c'est plus haute. C'est pas la plus haute. Si. C'est la pas la plus. Le haute. Lieu dit le plus haut de France. Non. C'est pas la c'est, commune donc. C'est pas de France. De D'Italie. Suisse. D'Italie. D'Italie. Du monde. D'Europe. Du monde. D'Europe. Ah pas d'Europe. Ah oui. De Frédéric. Quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blague. Alors c'est un type qui est dans un bar, il commande une bière, il la boit d'une traite. Et puis, une fois qu'il a fini, il regarde dans sa poche, et il commande une autre bière. Il la boit d'un trait, il regarde dans sa poche. Et il fait ça plusieurs fois, puis le barman est intrigué quand même. Il lui dit, excusez-moi, mais pourquoi vous regardez dans votre poche après chaque bière? C'est parce qu'il y a dedans, il y a une photo de ma femme. Et quand je commencerai à la trouver belle, ça voudra dire que je suis vraiment bourré et qu'il faut rentrer. Bravo. Ouais, oui. Bravo. Bon, écoute, Maurice, on verra hein, quand ce sera. Elle est marrante, elle est marrante. Oui. J'aime bien, moi. Ah, bien. Bah alors rigole, idiote. Moi, comme ça, moi, j'avais une petite blague. Mais je... Quelle est la différence entre un tampon génique et une institutrice? C'est la ficelle, non? Quelle ficelle, Maurice? On ne sait pas. Il n'y en a aucune parce que tous les deux sortent du corps enseignant. Ah, c'est délicat, bon appétit, messieurs. Deux naufragés s'agitent sur un iceberg. Un bateau, regarde, un bateau. Youhou, il arrive. Le Titanic, nous sommes sauvés. Ouais. Mais j'aime bien, moi, quand Bob nous raconte ses souvenirs. Oui, tu connais la différence, Bob, entre le Titanic et l'Opéra de Paris? Ils coulent tous les deux? Bah, sur le Titanic, l'orchestre jouait encore, jusqu'à ce qu'il ait fini de couler. Ça, c'est de la jalousie. Alors, Maurice, pourquoi les blondes ne mangent pas de bananes? Parce qu'ils font autre chose avec? Non. C'est parce qu'elles n'ont pas trouvé la fermeture éclair. Merci Maurice. Et quelle est la première chose que dit une blonde le matin? Bonjour. Les gars, vous êtes tous de la même équipe? Oui. Bien. Bon. Alors c'est un mec qui est seul avec son chameau dans le désert. Puis tout à coup, il y a un truc qui lui manque à la tête, le soleil, je sais pas quoi, il a envie de niquer. Alors il se dit, oh merde, qu'est-ce que je vais faire? Il regarde, il se dit, bon, après tout, le chameau. Alors il fait un tas de cailloux, il descend son pantalon et il tente de sodomiser son chameau. Manque de peau, au moment où il va lui faire son affaire, le chameau avance. Oh, l'homme déplace les pierres jusqu'au cul du chameau pour retenter sa chance. Le chameau re-avance. Et comme ça... Pendant 3-4 fois, le tas de pierres, le chameau, le tas de pierres, le chameau. Soudain, il y a une belle femme très sexy en maillot de bain qui a dû se perdre, qui arrive. Alors, en fait, elle est poursuivie par un gars parce que c'était une fille d'un harem. Ah. Ah, viens ici que je t'inique, viens ici. Alors le gars, il voit ça, boum, il prend une pierre, clac, il assomme le mec qui poursuivait la fille. Alors la fille est toute contente. Ah, merci monsieur, merci vraiment. Pour vous remercier, je ferai ce que vous voudrez. Vous ferez vraiment ce que je voudrais? Ce que vous voudrez. Vraiment, vraiment. Puis le mec, il a une gueule d'enfer. Oui monsieur, je fais ce que tu veux. Bon, tu peux tenir le chameau. Alors, une question. Dans l'Égypte ancienne, que... Ne me regarde pas quand tu poses ce genre de questions. Sujet que Bob du Club connaît bien pour l'avoir vécu personnellement. Oui. Alors, dans l'Égypte ancienne, que faisaient les hommes de manière identique aux femmes qu'ils ne font plus aujourd'hui? Attends, j'ai pas compris la question. Dans l'Égypte ancienne, oui. Que faisaient les hommes de manière identique à ce que faisaient les femmes, à l'époque aussi. À l'époque, mais que les hommes ne font plus de nos jours. La mais vaisselle. Que les femmes continuent à faire. Oui. La vaisselle. Des enfants. Ça. Ils élevaient les enfants. Parce que là, ils n'élèvent plus d'enfants. Si. Ah bon. Alors, pensez à l'époque antique. Les hommes et les femmes faisaient la même chose. Et aujourd'hui, les hommes ne veulent plus le faire. Ouais. Enfin, je devrais dire certains hommes. Oui, parce que. Le ménage. Non. Nettoyer les pyramides. Oui. Se faire sodomiser. Non. C'est sexuel? Non. C'est un rapport avec la vie de couple? Non. Avec la vie de la maison? Non. Avec la politique? Non. Bon, les gars, avec la médecine, on se casse. Non, et Bob, il attend que tu débroussailles. Ouais. Avec la médecine? Non. C'est comme avec sa femme. Il attend qu'elle débroussaille. C'est trop petit. Moi, je peux pas lire, là. Ça va, on vous dérange pas, non, le Puppet Show, là? Ça va aller. Alors, mais t'as pas écouté toutes les propositions que j'ai faites? Est-ce que c'est un rapport avec la lumière? Non. Essayez d'imaginer un peu. Avec les animaux. Non. Mais laisse-le finir sa phrase. Laisse-le finir sa phrase. À l'époque, l'Égypte ancienne, essayez d'imaginer un peu les hommes, les femmes, oui. Comment ils étaient. C'est leur coiffure. Non. Ils n'étaient pas le habillés. Le maquillage. Ah. Oui. Ils étaient maquillés tous les deux, ils se maquillaient mutuellement. Ah oui, exactement. C'est vrai. Une bonne réponse, encore une. Ah, Frédéric Costet. Oh là là. Que veut dire Volvo? Je rends l'antenne. Suède. Non. Non, ça veut dire quelque chose. Il y a personne qui a fait de latin. Volvo, c'est voler. Ah, si, si. Non. Volvo, c'est revolver. Revolver recommencer, commencer, ou voilà. C'est Volvo. Tout ce que je sais, moi. Volvo. Si, je t'assure. Alors, Bob, ça, t'en as eu des ça... Volvo, toi, en plus? Non, non, j'ai jamais eu de Volvo. est-ce que ça, y a un rapport avec avancer? Oui. Ouais. Oui. Donc, c'est rouler, c'est avancer, oui. C'est se déplacer. Alors, tu l'as dit. Avancer. C'est le bon verbe que tu as trouvé. Rouler. Rouler. Et donc, c'est je... Je roule. Volvo, c'est je roule en latin. Voilà, bonne réponse. J'étais nul en latin. Oui. On repartira pas idiot, Javi. Allez, ça nous permet d'entamer cette tournée de blagues. Bon. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Oui, eh bien, c'est une jeune fille qui danse avec un jeune homme. Bon, jusque-là, rien de particulier. Mais il est très entreprenant. Alors, au bout d'un moment, la jeune fille s'éclame. Mais calmez-vous. L'homme dit, je n'y peux rien. C'est l'appel de l'amour, jeune fille. Il dit, je ne sais pas si c'est l'appel, mais pour l'instant, je sens bien le manque. Histoire d'une courgette, d'une banane et d'une bite. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu de bite, hein. C'est dommage, c'est vrai, ça manquait un peu. Ouais. La courgette dit, moi, on m'épluche et on me jette à la poubelle. Oh, la banane lui répond, dis donc, t'as de la chance, moi, on m'épluche et on mange. Et la petite bite a fait, vous avez de la chance parce que moi, on me met dans un sac poubelle sur la tête, on me fout dans un trou noir, on me pompe jusqu'à ce que je dégueule. Alors, c'est à la caserne. Le colonel qui passe en revue les jeunes recrues. Alors, à quoi sert un fusil? Demande-t-il à un bidasse. Fusiller, mon colonel. À quoi sert un canon? Dit-il à son voisin. À canonner, mon colonel. Et à quoi sert un tank, évidemment? À t'enculer, mon colonel. Alors, est-ce que vous vous souvenez, je vous ai commencé ça cette semaine, mes petits... Ah oui. Vous aimez bien. On a bien, on a apprécié. Oui, oui. Oui. Bon alors, j'en commence. T'es qui? Justine. Ben, Justine qui? Justine mise au poids sur les... Bon. Merci Philippe. Qui c'est qui? C'est Jo. Ben, mais Jo qui? Joby. Joba. Joby Job. Bon. Qui c'est? Ali. Quel Ali? Allumez le feu. Bon, ça va être un petit dernier. Hein. Oui, oui. C'est qui? Hélène. Comment ça, Hélène? Hélène est le divin enfant. Oh allez, allez, allez. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qui va se passer, hein? Vous attendez, hein? On est suspendu à tes lèvres. Voilà. Qu'est-ce que les femmes... Quelle est la différence entre les femmes et les préservatifs ont en commun? Alors, quelle différence entre les femmes et les préservatifs en commun? Vas-y, fais la traduction simultanée, alors Philippe. Là, j'ai eu du mal parce que c'est la différence ou en commun? Bon, alors, Philippe va nous faire la traduction simultanée. Rappelle ton avocat, Maurice. Ouais. Alors voilà, nous sommes en direct. En commun. Allez, on va prendre en commun. Alors, ouais. En commun, alors on va prendre... qu'est-ce que les préservatifs et les femmes ont en commun? Voilà. Le caoutchouc? Non. Ils passent tous les deux trop de temps dans le portefeuille. Et pas assez sur la bite. Ah. D'accord. C'est bon, hein. À vous les studios. Simoni. Alors ça se passe, c'est une histoire vraie, ça se passe dans un tribunal. Et un avocat interroge un témoin qui est médecin légiste. Ah. Docteur, avant de faire votre autopsie, avez-vous vérifié le pouls ? Non. Avez-vous vérifié la pression sanguine ? Non. Avez-vous vérifié s'il respirait ? Non. C'est-à-dire que l'avocat est assez retors. Hein. Alors, il est possible que le patient ait été vivant quand vous avez commencé l'autopsie ? Non. Comment pouvez-vous en être certain, docteur ? Le médecin commence à être un peu excédé. Parce que son cerveau était sur mon bureau dans un bocal. L'avocat insiste. Mais le patient ne pouvait-il quand même pas être encore en vie ? Et le témoin excédé dit « Il est possible qu'il ait été encore en vie et actuellement en train d'exercer le métier d'avocat. » À toi, Laurent. Eh oui, à toi, Laurent. Oui, alors moi, je ferai de la rapidité. Oui, ta femme nous n'est-ce l'a dit pas, déjà. Frédéric. Oui. Alors, pourquoi les femmes ont-elles le cerveau divisé en quatre parties ? Quatre parties ? Quatre parties. Ah, je ne sais pas. C'est très simple, parce qu'il n'y a que quatre plaques à la cuisinière. Bravo. On va encore se faire des copines. Oui. Bon, on en a. Hein. Discours du président de la République en Corse. Bonjour. Tout sera mis en œuvre pour que vous ayez tous du travail. Ouais. La foule interloquée, à mort le provocateur. Bravo. Et vous savez ce que veut dire MMA ? MMA ? Oui. C'est encore une de tes assurances, ça, non ? La Mutuelle MMA. Du Mans Assurance. Non, ouais. C'est « Mets-moi là ». Bien. Merci, oui, c'est vrai que là, ça s'écrit avec un A au début. Ah oui, c'est L apostrophe, là. Ah, ouais. Oh non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe Alors, quoi. Dans l'émission, t'entends, il y a des jeux aussi. Oui. Ah oui. On en fera un tout à l'heure parce que Frédéric nous en a amené un petit jeu musical. Ah, je vous ai préparé un petit jeu, oui. Ah bon Ah ben, on peut peut-être le faire tout de suite, remarque, parce que le temps qu'après les téléspectateurs répondent. Ah oui, alors prenez un papier, un crayon, les gars. Oui. Alors, je vous explique le jeu. Il y a 12 personnes que vous allez entendre en train de chanter. Oui. Il se trouve que ces personnes sont des... c'est pas leur métier de chanter. Ce sont des acteurs ou des actrices. Mais une fois dans leur vie, ils ont enregistré ce qu'on appelait à l'époque un 45 tours. Mmh. Et donc, vous allez avoir 12 extraits de chansons. Oui. Et il faut reconnaître qui chante. Alors, il y en a des très faciles. Parce qu'il y en a qu'on connaît, qu'on a vu, parce que ça fait partie des casseroles de leur carrière. Mmh. D'autres qui sont un peu moins facilement trouvables. Bon, alors on est prêts, les stylos, les papiers sont prêts. En régie, vous êtes prêts. Je n'ai pas de stylo. Qui n'a pas de stylo ? Oh là là, à chaque fois... Bob ne va rien reconnaître. Bob ne vient qu'avec son couteau, faut le dire. Oui, moi j'ai ma bite avec moi, mais bon. C'est pas bien, pratique écoute, pour je écrire. Vais te prêter. Ah, merci, monsieur le Corse. Voici le jeu. Ce n'est pas un foxtrot, mais une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué pour la comprendre. Suis bien mes pas. Derrière la porte, j'entends la vie qui bouge. Je connais par cœur son tempo, ses lumières. Quand elle fait fort et que l'aiguille bloque dans le rouge. Dehors, je vais juste voir comment ça se passe. Des fois que ce soir, ça sait pas comme hier soir. Je suis le mec plus ultra. Toutes les filles sont dingues de moi. Je viens boire un verre en passant. Je repars après les croissants. Méchant. Extérieur, nuiseau sur la Jaguar. Comme au cinéma. Mise au point sur moi. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Sans elle, tu es malheureux. Au clair de la lune, ouvre les yeux. Fiche absolument, ou bien à Kaboul, ça me fout les boules. Un avion s'écrase au Togo, j'y vais jamais, mais j'ai eu chaud. Les seuls voyages qui ne font pas peur sont ceux que je fais en ascenseur. Et encore, je suis miné, complètement miné. Je suis miné. carré, juste à moitié, il n'emballait que d'un côté. Casanova, tu ne fais pas peur, voilà pourquoi plus beau que moi, tu meurs. Lorsque je pense à vous, c'est entre bleu et blue. Au milieu des princes et des reines, dans mon smoking en location, toutes tendances entre voilà, boum boum, on va avec une dame imposante. J'approche peu à peu du Nevada. J'ai envie de m'évader, passer les frontières. Quelle heure est-il? À la sardine, 4h moins le quart. Monsieur Placard, qui vous l'a dit, la petite souris, ri, ou à telle, telle, telle dans la chapelle. Et que fait-elle? Et le dernier. Pour commencer, le réveil sonne, un seul avis, faut se lever. Déjà dans la salle de bain, elle est enfermée, on va s'amuser. Avant de se maquiller, de se parfumer, elle va se baigner. Et là, elle est couponnée, elle est enfin prête pour aller bosser. Elle a des mani, manana, mani, manana. Elle a des mani. Il y a un jingle. Ah bah oui, ah oui. Non, c'est moi je la connais, mais je ne trouve pas. Bon, alors, chez vous, j'espère que vous avez trouvé. Nous, on a noté. Il y en a 12. Oui, hein. Oui, et il y en a 12. Eh bien, on réfléchit pendant la pause et on revient juste après. Réfléchir chez vous à ce jeu proposé par Frédéric Foster avec ses chanteurs. Donc vous avez dû noter. Alors dites-moi si vous en avez trouvé. Alors, oui, parce que moi j'en ai trouvé un, deux, trois. Alors on va les lancer et on va les arrêter. D'accord. Alors lui. Ça c'est Chabat, ça. C'est Chabat. Alain Chabat, c'est bon. C'est dans, bien sûr, La Cité de la Peur. Voilà. Derrière la porte, j'entends la vie qui bouge. J'ai pas trouvé. Non, moi j'ai pas trouvé non plus. Dutron. Dutron, c'est un chanteur. Voilà, oui. Non, c'est, alors c'était qui? C'était Daniel Auteuil, figurez-vous. Ah, oui. Qui a fait 1,45 tour, qui s'appelait Que la vie me pardonne. Bon, le suivant était facile. Oui, Michel Blanc. Oui. Ah oui. Donc tu m'aurais mis quand il est sur mon pente, là je l'aurais trouvé, oui. Quand te reverrai-je? Non, mais là c'est 1,45 tour qu'il a fait. Ah oui. C'est pas Delon, ça? Bravo, Philippe. Oh, Alain Delon. Bravo. Au cinéma. C'était extrait d'une série qu'il avait faite pour TF1 en 1987. Je crois que je l'ai, le 45. C'est vrai. Bon, ça, très facile. Maurice a trouvé, là. C'est Bardot? Non. Ah non, elle est chanteuse, Bardot. Non. Bon, ouais. Elle est rien de du neuf. Tout. Elle est rien de du tout. De neuf. C'est de neuf. Catherine de neuf. Ah, oui, Dieu est un fumeur de la Havane. Dans l'extrait de... du film « Je t'aime » de Claude Berry. Je t'aime, je vous aime. Celui-là, il a un point, il avait à l'époque un point commun avec Maurice. J'y vais jamais, mais j'ai eu chaud. Les seuls voyages qui ne font pas peur sont ceux que je fais en ascenseur. Et encore, je suis miné, complètement miné. Non ? Non. La moustache, vous aviez en commun. Junior ? Gérard Junior, ah, bravo Junior. Philippe. Oh. Alors le suivant, je crois que Philippe l'a trouvé, il est très facile. Ce qu'il dit le titre du film pour lequel il a fait cette chanson. Serré, juste à moitié, il n'emballait que d'un côté. Casanova, il fait ma peur. Voilà pour toi, plus beau que moi, tu meurs. Plus beau que moi, tu meurs. C'est Aldo Macchione. C'est Aldo Macchione. Oui. Philippe l'avait trouvé. Ah, c'est Aldo. Ah, alors, ce qu'il faut savoir, parce qu'on se fout de la gueule, l'Aldo Macchione, etc., machin. Plus beau que moi, tu meurs. C'est sorti en 83. Et dans les films de l'année 83, c'était le troisième film qui a fait le plus grand nombre d'entrées. Ah ouais. Faut le savoir. Oui. Bon, après, c'est très facile. Elle était toute jeune à l'époque. Avec? C'est Dorothée, non? C'était un duo avec François Valéry. Moi, j'avais noté que Sophie Marceau. Mais oui, c'est Sophie Marceau. Ah, oui. Bravo, Philippe. Alors, pour le suivant, on laisse répondre Bob. Hein. Oui. Celui d'après, on laisse répondre Bob. Je l'ai mis pour lui. Ça, c'est Guy Marchand. Oui, c'est voilà. Guy Marchand. Oui. Et j'aurais peut-être pas dû le mettre parce que lui aussi a pas mal chanté, quand même. Et quand même, oui. Mais il en fallait un peu de la génération de Bob. La musique sud-américaine. Là, c'était ça. Ça Alors après c'est très facile. Ah, moi j'ai mis Birkins, mais c'est une chanteuse Birkins, donc c'est pas elle. Non. C'est Adjani. Ah, c'est Adjani. C'est Isabelle Adjani. Mmh. Tu connais pas Isabelle Adjani? Oh, c'est Gainsbourg quand même qui lui a fait son disque. Ouais, il était bien ce disque. Oui. Alors ensuite. Ah, je connais cette chanson, mais. Ah, Pierre, c'est un de tes acteurs et réalisateurs préférés, Philippe. Je vous l'ai dit. Qui est âgé maintenant, qui a plus de 70 ans. Henri Dess. Mais non. Mes réalisateurs préférés. Ah oui, il a réalisé beaucoup dans les années 70. C'est Gérard Oury. Non. Il est mort, acteur. Gérard Oury. Acteur et réalisateur. Bah, acteur. Gérard Oury était acteur et réalisateur. Il a tourné avec Gérard Oury d'ailleurs. Il a tourné deux films avec Gérard Oury. Ah bah, je vois pas qui c'est, non. Dont un avec Victor Lanoux. C'est Pierre Richard. Bravo Laurent. Ah oui. C'est Pierre. Bravo Laurent. Bravo Laurent. Bravo. Oui. Et le dernier qui est un petit peu plus jeune que. Ah bah, je crois que je l'ai trouvé le dernier. Ah. C'est Robin. Muriel. Ah non, c'est un garçon qui chante. Ah, voilà, c'est pour ça. Ça va lui faire plaisir. Ça va être content, Muriel. Mais c'est un copain elle. Et c'est pas Pierre Palma. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui. Alors oui, c'est Patrick Timsit. C'est Patrick Timsit, bravo. Merci, Michael. Bravo, Michael. Voilà, bah, si ça vous a plu, on en fera d'autres bientôt. Donc, Maurice, un point, combien de points Maurice ? 0 points. Ah, bah, oui. Laurent, est-ce que comme Frédéric, tu as fait un site internet de... Oui, ah, oui. Non, mon site internet s'appelle Laurent. Oui. Simoni.fr. Simoni avec un i. Voilà. Deux i même. Simoni. Et on retrouve dessus les retrouve, dates. Allez voir. Tu l'as mis la vidéo de la cuisine sur ton site. Oui. Allez voir sur le site de Laurent Simoni parce que Laurent a tourné. Parce qu'il est tellement modeste qu'il va pas le dire lui-même. Il a tourné une pub pour un cuisiniste. C'est ça. Hein, c'est ça. Un mec tu peux dire la marque. Hein, bon, pour cuisiner là. Voilà. Et il est à mourir de rire dans cette pub. Allez voilà. Voir. Donc j'ai voilà, mis des petites vidéos, des petites choses que j'ai fait en publicité, en cinéma, en théâtre, en café-théâtre, etc., etc. Et en, voilà. en comment dire en non. Non. Là, ça tu non, fais plus. Tu fais t'arrêter. J'ai arrêté. D'accord. Ça payait pas. À partir de quoi tais-toi Bob est fabriqué le fabuleux Poulini. Le Poulini, c'est un fromage. C'est un fromage. Italien. Le Poulini. Avec du lait cru. Ah bon, t'es sûr que c'est un fromage qui a failli du lait? Et que ça serait extraordinaire. Alors, avec du lait. Oui. Du lait de chamelle. De chamelle. Non. Avec du lait d'escargot. Et c'est pas facile à traire. Du lait de jument. Croyez-moi. Je sais qu'il passe à épiler. Du lait de jument. Non, ça c'est pour la petite. Alors. Ça vous emmerde que je du lait de... Oui, ça nous emmerde. Non, alors, Maurice, Philippe. Attends, Maurice, t'as deux doigts de donner une bonne réponse. Ah oui, bah. Maurice est toujours à deux doigts. Du lait de jument. Maurice, la dernière fois qu'il a voulu traire une jument, il s'est trompé, il a pris un cheval. Oh, c'était Tornado. Vite, un bocal, il y a le lait qui vient. Ce qu'il faut trouver, c'est le... Philippe, il faut trouver l'animal qui fournit le lait. Oui. Du lait d'ânesse. Non. Du lait de vache. Ce serait la question la plus courte de l'année. Oui, mais t'en serais bien capable. T'en serais bien capable. T'en serais capable, oui. Non. Du lait non. de chèvre. Ben oui. Bonne réponse. Ah bah oui, c'est donc bien la question la plus con de l'année. Ah oui. Ah oui, oui. Parce que on s'inscrit à chercher un animal, pas possible. Exotique. Alors qui donnerait du lait. C'est les militaires qui sont en plein campement dans le désert et ça fait un mois qu'ils ont pas baisé forcément et il y a un troupeau de chèvres. Mais puis un mec là, il en peut y a plus. Pas de mais. Il est sur la enfin, il peut plus, quoi. Il en peut plus. Il dit à ses copains, attends, moi, j'en peux plus. Je vais me faire une chèvre. Je vais pas te faire une chèvre. Ah, si, je vais me faire une chèvre. J'en peux plus. Il y va. Pauvre chèvre. Enfin, il y va. Il y va dans la nuit pour pas que les autres le regardent. Puis, bien sûr, comme tous, ils savent qu'il va se taper une chèvre, tout le monde attend. Il se lève discrètement. Il baisse le froc. Et il s'enfile une chèvre. Bien sûr, voilà, il y a tous ses potes qui se sont réveillés. Ils sont pliés, morts de rire. Et alors, il les voit, attendez, mais pourquoi vous riez? Il n'y a rien de drôle. Bah si, t'as pris la plus moche. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blague. Lors d'une petite aveugle, elle est non-voyante depuis la naissance, et un jour ses parents lui disent « Nous avons trouvé le remède miracle. C'est de la pommade que tu t'appliques sur les yeux avant de dormir et le lendemain matin, tu verras le monde. » Alors la petite se lève le matin en pleurs et est toujours aveugle. Là, ses parents lui disent « En cœur. Ah, poisson d'avril !» J'ai pris les blagues de Boris, je tenais à préciser. C'est une femme qui tombe dans la rue, elle se blesse au genou. Elle court, non, elle court pas parce qu'elle a très mal à son genou. Elle rentre dans la pharmacie la plus proche et demande une compresse. Et le pharmacien, désolé, moi j'ai qu'une consus. Hein. Et vous savez, qu'est-ce qui prouve que Claude François n'était pas corse? Ah non, hein, Claude François n'était pas corse. Non, mais il n'était pas égyptien. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'était pas corse? Ah, on, qu'est-ce qui prouve? On a la preuve. Ah bon? Mais oui, t'as déjà vu un corse mourir avec une ampoule dans la main? Alors, c'est Bob et F qui ont gagné un voyage au Canada au grand concours d'Intermarché où ils font leurs courses tous les deux jours à Dourdan. Tous les deux jours? Oui, ils ont rêvé un truc. Et donc, ils arrivent à Montréal. On les transporte en train, en autocar. Ils arrivent au cœur de la forêt canadienne, près d'un grand lac. F est épuisée, n'en peut plus, elle va se coucher. Là-bas. Et Bob est quand même très étonné de tous ces grands sapins. Il y a vraiment des sapins extraordinaires. Et là, il voit des bûcherons. Donc, il va voir les bûcherons. Ah, bonjour, c'est Bob. Ah, et dites donc, vous savez que mon grand-père était bûcheron? Ah bon? Ah oui, mon grand-père était bûcheron. Et quand j'étais petit, mon grand-père m'a appris à reconnaître tous les bois. Ah, bah dites donc, c'est bien ça. Oui, très bien. Oui. Et alors là, je peux vous parier ce que vous voulez, que je vous reconnais tous les bois. Ah, il l'emmène à la scierie du coin, il y a une scierie. Dites donc, il y a un mec là qui dit qu'il reconnaît tous les bois, on va se marrer un peu. Dis donc, tu paries combien que tu reconnais? Je vous parie 100 euros. Alors, ils lui mettent un bandeau autour des yeux, ils amènent une première planche, ils reniflent. Parce qu'il a un peu pris du nez. Ah, ça c'était un glaire. Ah, mais ça c'est du mélèze! Ah ben oui, c'est du mélèze, 100 euros dans la poche. Ah, merci Intermarché. Ils ramènent une deuxième planche parce qu'ils veulent se refaire. Ah, ben ça c'est de l'orme. Oh, c'est 200 euros, c'est pareil. 100 euros encore, ils ramènent une troisième planche. Ça c'est du sapin. Oh là, 300 euros, il y en a un qui dit, attends, on peut pas se faire baiser comme ça, faut trouver un truc. Mais attends, j'ai une idée, tiens. Si on prenait la culotte de la vieille Simone, la standardiste de l'exploitation, là on va rigoler. Alors, ils amènent la culotte de la Simone, je te dis pas, elle tient toute seule. Ils la mettent sous le pif de Bob. C'est bizarre ça. Voilà. Ah, alors pour les 400 euros, là, tu les paries, là, les 400 euros? Oui, mais je tiens le pari. Non, mais là, j'ai du mal parce... Ah, ça y est, j'ai trouvé. C'est une vieille porte de cave à fromage dont on a fait une caisse à poissons. Simoni. Ouais. Laurent Simoni qui joue déjà, Frédéric ? Eh bien, c'est au Comic Hall, c'est 8 rue Pradier, c'est dans le 19e arrondissement de Paris. C'est le jeudi, vendredi, samedi à 20h30. Oui, alors moi j'ai des petites perles des journaux. Vous savez, dans les journaux, notamment dans les journaux de province. Dans les, ça s'appelle dans les... des coquilles, hein, c'est ça ? Voilà, non, c'est pas des coquilles, c'est non, des perles. Des perles, voilà, des perles. On trouve ça aussi. Par exemple, chasse, il y aura moins de cerfs, mais plus nombreux. Ou bien c'est la foire des veaux et des porcs, venez nombreux. Cette attaque frappe les hommes politiques mais aussi les honnêtes gens. Elle est décédée mortellement. Oui. Ses dernières paroles furent un silence farouche. L'église étant en travaux, ses obsèques ont été célébrées à la salle des fêtes. Une petite dernière pour la route. Alors, une petite dernière qui me plaît bien aussi. Ses hémorroïdes l'empêchaient de fermer l'œil. Oh, bravo. Bien. Bon, Laurent, là, il va falloir que t'assures. Hein. Oui, oui, oui. Bah, écoute, je ne sais pas si je vais arriver au niveau de Frédéric, mais j'ai envie de raconter une petite blague sur mes origines corses. Donc, c'est un Corse qui se rend chez son médecin de famille pour demander un arrêt de travail. Pourquoi souhaites-tu un arrêt de travail, Dominique ? Oui, il fait bien l'accent. Déjà. Ça fait longtemps que je suis parti. Hein. Bon, alors donc, pourquoi souhaites-tu un arrêt de travail? Il va se dire il va, mal. Il va le tuer. Il est tombé, Maurice. Pourquoi souhaites-tu... Allez, vas-y. Non, te laisse pas distraire, te laisse pas distraire. Pourquoi souhaites-tu un arrêt de travail, Dominique? Je fais des insomnies. Tu... le médecin. Allez, je crois qu'on va perdre Bob aussi. Vas-y, te, le vas-y médecin, Laurent, te laisse pas distraire. Tu te réveilles souvent? Oh oui, tous les... Il va pas y arriver. Il va pas y arriver. Oui, tous les deux, trois jours. Juste le régime. Bah, je trouve que pour un Corse, il fait bien le Corse. Ah, mais, hey, Laurent a pris des cours à l'Actor Studio, il faut le savoir. Bah, oui, c'est... Bon, c'est un métier, on va revenir hein. sur Terre. Une femme va chez son pharmacien et achète 300 euros de produits amincissants. Ah, merde. Ah. Elle demande une voix basse à l'employé qui décompte les produits. Une voix à basse. À voix basse. Vous pensez que je vais perdre combien avec tout ça? 300 euros, madame. Voilà. Merci. Oui. Alors, Maurice, Laurent Simoni, à qui on a promis en début de semaine une de tes blagues fétiches. Donc, on te laisse choisir ta blague fétiche. Eh bien, c'est le clocher. Ah! Et là, j'ai même pas mes notes ce soir. Ah oui, sans filet. Sans filet. Là, il y a du risque. Là, c'est du lourd. Merci au public. Hein. Ah, là, c'est du lourd. Hein. Que la régie me coupe pas, hein, surtout. Non, vas-y, hein. Maurice. Alors, non, t'inquiète pas. Alors, quelle est la différence? Il faut que tu t'adresses à Laurent Simoni. Alors, Laurent. Oui. Cher Laurent. Oui. Non, quand même pas. On va voir. Si, vu ce prend comme cachet, oui. Cher Laurent. Saint Laurent, priez pour facile, nous. Mais c'était bien. Vous voulez me déconcentrer, là, pas quand même. Hein. Non, pas du tout. Et ta réunion, nous, on fait jamais ça. Fait. On n'en parle pas. Je t'écoute. Tu fais des réunions superbeurs. De copropriétaire, 4h du matin. C'est pareil, c'est dans des boîtes. Et Élise, ça va bien? Très bien. Alors, allons-y, cher Laurent. Tu te prépares? Oui, je suis prêt, vas-y. Quelle est la... Non, mais je suis au taquet, vas-y. T'as pas dit, cher vas-y, Laurent. Je suis au taquet. Cher Laurent, oui. Ah. Quelle est la différence entre un i et un clocher? Ah, i. Oui, un i. Ma foi, c'est la même forme? Non. Il y a un point? Non, mais attends, ne l'interromps pas parce que sinon il peut plus là. Vas-y, Maurice, vas-y. Alors, le i, c'est la voyelle. Et le clocher, c'est la consonne. Énorme. Alors, parce que ce qu'il faudrait que tu passes à Laurent pour qu'il comprenne, c'est la l'origine. Pourquoi est-ce qu'on demande non, c'est vrai. Et savez-vous quelle est la différence entre un i et un clocher? Le public le sait, mais j'attends. La différence entre un i et un clocher? Non. Alors le i est une voyelle et le clocher, c'est là où consonne. Il a même réussi à le foirer. Ça fait une semaine qu'il répète. Non, oh, cet après-midi, il l'a fait à tout le monde à la station. Il a dit au moins 10 personnes. Moi, je propose. Non, c'est pas possible. Non, refais-la parce qu'on voilà, la coupera au montage. Moi, je propose qu'on la refasse. Allez, attends, on fera les surprises. Attendez. Alors, oui. Maurice, une petite blague. Oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors, une petite blague. Laquelle? Bah, celle du clocher. Allez, une autre. Non, celle du clocher. Non, celle. Le clocher. Allez. Savez-vous quelle est la différence entre la lettre I et un clocher? Non. Le I, oui, c'est une voyelle. Oui. Le clocher est. Et une consonne. Mais non, c'est la consonne. Oh non. C'est la consonne. Je la sais par cœur. Heureusement. Non. Ah, si tu la savais pas. Le clocher. De toute façon, on ne rend pas l'antenne tant que tu l'as pas réussi. Alors, Maurice, une petite blague. Alors, le I. Mais quel le I? Non, il est depuis le début. Savez-vous quelle est la différence? Oui. Entre un i et le clocher. Non. Et un clocher. Ah non. Non. Moins. Non. Alors. Le i, c'est une voyelle. Oui. I, le clocher, c'est la consonne. Mais attends, excuse-moi. Mais elle est con. Elle est con, cette histoire. Ah oui, alors bravo, Maurice. Plus de 5000 téléchargements sur Internet. Quand même, c'est bien. Dans le monde entier, tout le monde écoute cette blague. Alors que l'habitude, quand il va sur Internet, c'est 5000 décharges. Alors, j'en suis pas fier de celle-là. Bon, ça mérite une petite tournée de blagues originales quand même. Oui, vas-y, Maurice. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blague. Alors, c'est deux copines qui vont dans un cocktail. Il y en a une qui dit à l'autre, dis donc, ton alliance n'est pas sur le bon doigt, excusez-moi. Mm. Et l'autre lui répond, oui, c'est parce que je n'ai pas trouvé le bon mari. Oh non, mais non. Docteur, oui, madame, oui. Je suis catastrophée. Mais oui, madame, dites-moi ce qui vous arrive, voilà, mais... J'ai mes cheveux qui tombent. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose pour les conserver? Oui, bien sûr, madame. Sans problème. Tenez, une boîte à chaussures. On fête en ce moment la dernière tournée de Johnny Hallyday, la tournée d'adieu de Johnny Hallyday. C'est en cours. L'occasion de raconter des petites blagues, hein, enfin des petites anecdotes sur la vie de Johnny. Et comment dire? Là, ça se passe sur la plage quand David Hallyday était petit garçon. Mmh. Et il dit à son fils, à son père, papa, regarde, c'est un bateau. Oh, que c'est pas un bateau, c'est un yacht. Un yacht? Mais comment ça s'écrit? Ah, que t'as raison, c'est un bateau. Première chose due, voici la blague de Laurent Simoni. Comment appelle-t-on l'animal vert qui mange des pierres? L'animal vert qui mange des pierres. L'animal vert qui mange des pierres. Je ne sais pas, non. Un pivert? Non, l'animal... l'animal... Oui. Vas-y. L'animal vert qui mange des pierres... Voilà, s'appelle... L'animal vert. Oh là là. Ah oui. Note là celle-là, Maurice. Tu pourras nous la refaire l'année prochaine. Ah oui. Pourquoi? Mais pour qu'on la reconnaisse pas, dit l'animal rouge. Voilà, exactement. Ça, on la reconnaîtra pas. Soudain, dans la rue, un passant s'écroule. Ah merde. Un attroupement se forme aussitôt et un homme s'écrie « Vive vite, allez chercher de l'eau !» Une dame intervient « Non, non, non, porte-lui plutôt un petit verre de cognac !» Le type à faire se lève péniblement et fait « C'est la dame qui a raison Pardon. Le silence après du Bob du club, oui. C'est encore du Bob du club. C'est le Mozart de la blague. Un proverbe africain. Ah. Si vous voyez un sourd courir, ne vous posez pas de questions, suivez-le, car il n'a pas entendu le danger, mais lui, il l'a vu. Non, mais c'est bien, mais je suis pas africain, donc. Ça va. Mais c'est bien. Alors, dans les archives d'On va se marrer, oui. René, qui est ce soir avec nous dans le public, oui. nous a raconté... Ah, il est revenu. Oui, oui, mais il y a quelques années de ça... Oh, ben René, dès qu'il peut picoler, il vient. Une petite blague bien mignonne qu'on a retrouvée. Un Belge a voulu peindre au pistolet. Il y a eu 10 morts. Ah ouais, et puis il les connaît bien, les Belges, René. Alors, une petite question. Il les a vus de près. Une petite question. Comment s'appellent les feuilles des nénuphars? Des nénuphars. Les nénuphars, les feuilles s'appellent, ont un nom. Les grenouilles. Non. Alors, pour non, vous ça aider, c'est les habitants des nénuphars. Pour vous aider, le nom de ces feuilles rappelle un objet qu'on utilise pour quelque chose. Un vibromasseur? Je sais pas, c'est le premier objet qui m'est venu à l'esprit. Non. Un objet... Un objet qu'on utilise à la maison? Oui, et... J'ai l'impression de faire la boîte. Oui. Un objet qui sert notamment au vitrier. Ah, ah oui. Le diamant. Non. Pour découper. Ah oui, le diamant, ça aurait pu être ça. Alors, pour vous aider... Couteau à mastic. Pensez aussi aux formes. Ah oui, le nom des feuilles de nénuphar, c'est couteau à mastic, oui. Ça s'appelle. Les formes des feuilles de nénuphar, pensez comment elles sont. Oui. À flotte. Oui. Oui. Oui, c'est normal. C'est normal, puisqu'elles sont dans la flotte. C'est le cœur. Non. C'est la buée. Une rosace. Non. Ça ressemble à une rosace. Oui, un disque. Oui. Non. Oui. Le disque. Je vais vous aider. Je vais faire un petit bruit qui va vous aider. Là. Ouais. Écoutez bien. C'est la grenouille qui est dessus. Ah, ça aide. Ah, une ventouse. Une ventouse. Une. La sodomie. T'as dit non, Maurice, t'as dit quoi? Eh ben. On... En régie, Maurice, c'est du vécu, hein. Maurice a dit la ventouse, mais il n'ose pas le dire. Alors, la ventouse. Alors que Laurent pensait la tentouse, mais bon. Eh bien, une bonne réponse de Maurice. Oh ouais. Ça s'appelle la ventouse. Qui? Alors, habituellement, c'est là, Maurice a été très fort cette semaine sur les questions. Oui, hein. Très fort. Oui. Alors, Maurice, ouais. Ça va te plaire. Qui était le fameux Pierre Cochon? C'est l'abbé qui a fait brûler Jeanne d'Arc. Bonne réponse, oui. De Maurice. Jeanne d'Arc, qui, il faut savoir, était la première femme au foyer. Non, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. J'espère qu'ils ont récupéré le charbon de bois, parce que ça vaut cher quand même le charbon de bois. C'est elle qui aurait dit, vous m'avez pas cru, vous m'aurez cuite. C'était ma suivante. Bravo, Bob. Bravo, Bob. Mais elle avait pas vu dans sa boule. Pourquoi? Dans sa boule de cristal. Oui. D'Arc. Autre drôle. Mais elle est morte en chantant la chanson de Marcel Amont, le chapeau de Mireille. Ah bon, pourquoi? D'Arc. Ah bon, on peut continuer, hein. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blague. Alors, un homme se cogne contre une femme. Je fais Maurice. Un homme se cogne contre une femme. Bon, ça va. Se cogne contre une femme dans un hall d'hôtel. Durant la collision, son coude bute contre la poitrine de la bonne femme. Tous les deux sont très surpris. L'homme se tourne vers elle et dit « Madame, si votre cœur est aussi doux que votre poitrine, je sais que vous me pardonnerez. » Et elle répond « Si votre queue est aussi dure que votre coude, je suis dans la chambre 221. » Elle est mignonne. Oh, hein, oui, comme oui. Ben, tu sais, Laurent, dans l'émission, souvent, ce que les auditeurs, je dirais de dire les téléspectateurs, les auditeurs préfèrent, c'est les histoires de cul. Oui, parce qu'elles sont simples à comprendre. ça parle à tout le monde. T'en as une petite? Oui, moi j'ai une histoire, je veux dire. Ah, oui. J'ai une blague, un petit peu un hommage à cette antenne que je connais depuis un certain temps maintenant. Donc, c'est la. Quelle est la différence entre une vache et un citron? Ah, Boris, il va te piquer ta blague. Non. Non, parce que ma réponse, c'est la mienne. Ah, tu vois, oui. Aucune, ce sont tous les deux. Ce sont tous les deux des agrumes. Ah ouais, ah, elle est bonne. Elle est bien. Et là, toi, ce serait quoi ta réponse? Je sais pas. Non, mais. Oh, pardon. Bon, bah, puisque vous y allez comme ça, je vais vous raconter une histoire corse. Hein. Une Corse sur la tombe de son mari. Ah, bah, tu vois, mon chéri, tu vis encore un peu. Ce matin, tu as voté. Wow, un Corse, tu peux dire un mec qui habite dans le 5e arrondissement de Paris aussi. Aussi, voilà, ah oui. Pas de nom, parce qu'on va avoir un procès au cul. Ah, remarque, Tibéri, c'est Corse comme nom. Oui, c'est vrai. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je peux vous dire quelques contre-pétris avant... Non, vas-y, avant, Philippe. Avant de finir la semaine. Oui. Parce que j'en ai pas dit la semaine. Oui, parce qu'il faut dire à Laurent que vrai. Maurice contre-pète. Oui. Ah, il contre-pète. Bernard Pivot a présenté des bouquins sur l'A2. Oh. Bernard Pivot a présenté des bouquins sur l'A2. D'ailleurs, des bouts de queue. Alors, Bernard Pivot a présenté des boudins. Ah oui, des boudins. Sur la queue. Oui. Voilà. Mais, ah, oh. Oui. Alors, non, pas la réponse d'abord, Maurice. D'abord la contrepète. Brancher les colonnes. Oui, branler. Branler les bonhommes. Non, les cochonnes. Là, les cochonnes, oui. Pourquoi les bonhommes? Tout de suite, t'es obsédé. Bah oui, qu'est-ce que tu veux. C'est à ton contact, tu le pervertis. Bah, j'espère que non. Hein. Bricoler chez le passeur. Picoler chez le brasseur. Voilà. Ça pue dans le car. Ça mue dans le car. Dans ça car. Non, ça. Ça pue dans le mar. Ça. Non. Ça jute ça dans le. Non. Ça cure. Ça pue. Hein oui. Dans le car. Ça cure dans le car. Ça pue dans le car. Ça part dans le cul. Ah bah oui. Oh oui, ça part. Alors c'est Bob et F qui ont gagné un voyage au Canada au grand concours d'Intermarché où ils font leurs courses tous les deux jours à Dourdan. Tous les deux jours. Oui, ils ont rêvé un truc et donc ils arrivent à Montréal. On les transporte en train, en autocar. Ils arrivent au cœur de la forêt canadienne près d'un grand lac. F est épuisé, elle n'en peut plus, elle va se coucher. Là-bas. Et Bob est quand même très étonné de tous ces grands sapins, vraiment des sapins extraordinaires. Et là, il voit des bûcherons. Donc il va voir les bûcherons. Ah bonjour, c'est Bob. Ah, et dites donc, vous savez que mon grand-père était bûcheron? Ah bon? Ah oui, mon grand-père était bûcheron. Et quand j'étais petit, mon grand-père m'a appris à reconnaître tous les bois. Ah, bah dites donc, c'est bien ça. Oui, très bien. Oui. Et alors là, je peux vous parier ce que vous voulez, que je vous reconnais tous les bois. Alors, il l'emmène à la scierie du coin, il y a une scierie. Oui. Dis donc, il y a un mec là qui dit qu'il reconnaît tous les bois, on va se marrer un peu. Dis donc, tu paries combien que tu reconnais? Je vous parie 100 euros. Alors, ils lui mettent un bandeau autour des yeux, ils amènent une première planche, ils reniflent. Parce qu'il a un peu pris du nez. Ah, ça, c'était un glaire. Ah, mais ça, c'est du mélèze! Ah, ben oui, c'est du mélèze, 100 euros dans la poche. Ah, merci Intermarché! Ils ramènent une deuxième planche parce qu'ils veulent se refaire. Ah, ben ça, c'est de l'orme. Oh, c'est 200 euros, c'est pareil. 100 euros encore, ils ramènent une troisième planche. Ça, c'est du sapin. Oh là, 300 euros, il y en a un qui dit, attends, on peut pas se faire baiser comme ça, faut trouver un truc. Mais attends, j'ai une idée, tiens. Si on prenait la culotte de la vieille Simone, la standardiste de l'exploitation, là, on va rigoler. Alors, ils amènent la culotte de la Simone, je te dis pas, elle tient toute seule. Ils la mettent sous le pif de Bob. C'est bizarre, ça. Ah, alors, pour les 400 euros, là, tu les paries, là, les 400 euros? Ouais, mais je tiens le pari. Non, mais là, j'ai du mal parce... Ah, ça y est, j'ai trouvé! C'est une vieille porte de cave à fromage dont on a fait une caisse à poissons. Ah, ça faisait longtemps. Deviner, c'est gagner. Alors, le principe est simple. J'ai écrit sur des petits bouts de papier un mot. Et il faut faire deviner à son partenaire, donc, le mot qui est écrit sur le papier, bien sûr, sans prononcer. Sans prononcer le mot. Oui, et en prononçant qu'un mot. Un mot à la fois. Voilà. Et avant que les autres candidats de l'émission ne devinent. Alors, par exemple, comme Bob a l'habitude, Bob va prendre un mot au hasard. Tiens, je prends le premier, vas-y, donne-lui le premier. Oh, oui. C'est sélectionné là. Ah non, mots. Pas du tout. Non. Non, on peut, si on peut changer. Non, non, non. Non, non, on peut changer, il n'y a pas de problème. Donc, Bob va tenter, T-A-N-T, de faire deviner le mot à Maurice. Et il faut que nous, on trouve plus vite. Voilà, il faut trouver avant. Un seul mot à la fois. Top chrono. Géographie. Maurice, un mot. Une carte. Amérique du Sud. Un pays. Non, un mot à la fois, Maurice. Non, mais lui, il peut proposer plein de choses. Océan Pacifique. Et ça, c'est deux mots, Bob. Ah, pardon. Pacifique. Océan. Amérique du Sud. Chili. Ouais, non. L'autre. Maurice. Brésil. Non. Pacifique, en dos. L'autre côté, pomme. Tahiti. Non. Tahiti. Qu'est-ce qu'il y a Bolivie. Non, l'autre côté. Pérou. Pérou, bravo. Vous avez bien aidé hein, quand même. Hein. Je les ai tous dit hein, comme ça. Donc si jamais vous partez l'été prochain à Tahiti, sachez que vous pouvez partir en Amérique du Sud. Oui. Avec Maurice. Allez. Avec Maurice. Le commandant Maurice et son équipe. Oh putain, alors, on va arriver. Donc la Fred va essayer de te faire deviner un mot. Bien entendu, il faut que tu le devines avant Maurice et Bob. Je ne sais pas qui a écrit ces mots. C'est du hasard. Oui, c'est du hasard bien calculé. Ça va aller, quand ça même, va aller très vite. Ah, froide. Chaude. Ou. Bonne réponse de Bob. Eh oui, fallait se venger. Hein. Bon, Maurice, faut que tu rattrapes le coup. Bon, n'oublie pas, bon, Maurice. un mot à la fois, Maurice. Oui. Ah, ça y est. Pomme de terre. Ah oui, on lui dit un mot, il en dit trois, lui. Voilà, pomme de terre, il y a trois pommes mots. Pomme de terre, c'est un mot composé. Ah, oui. Ah non, non, non. Il y a des tirets ? Oui. Non. Bon, patate, donc. Patate. Patate, orange ? Non. Un autre mot, alors. Patate douce. Janvier. Février. Moi. Couronne. Tubercule. Non. Fève. Galette. Bonne réponse simultanée. Non, c'est de moi parce que Bob a répondu alors que Maurice n'avait pas dit de mot. Alors il reste un mot pour Laurent Simoni. Alors. Le but du jeu étant de faire deviner ce mot à Frédéric Costet. D'accord. Ah non, faut pas que tu regardes, faut pas que tu triches. Alors pâtisserie. Gâteau. Cache-le. Crème. Oui, mais je le cache. Alors. Croissant. Religieuse. Alors. Pithivier. Tapisserie. Papier peint. Tapisserie, pâtisserie, ça marche. Oui. Tapisserie. Maurice. Cadre. Non. Boîte de nuit. Cadre, pâtisserie, non. Maurice, non, une pâtisserie et une tapisserie. Une tapisserie, une... Compresseur. Rouleau. Oui. Bon. Allez. Ah, t'es passé par les nationales, t'as évité les autoroutes là, pour y aller. Oui, ouais. Alors, je propose que Maurice, oui, pour le récompenser de sa participation à Tahiti Douche, nous propose une petite blague. C'est bien. Alors que quand il va dans certains endroits, c'est plutôt Tahiti Touche. C'est un Tahiti Touche. Eh ben, je vais vous dire la semaine d'un fonctionnaire. Ah. Alors le lundi, il est en grève. Oui. Le mardi, il est en stage. Oui. Le mercredi, il est malade. Oui. Le jeudi, il est en retard. Oui. Et le vendredi, il est fatigué. tu connais la différence entre entre ta bite et la mienne, demande à ta femme. Attends. Tu sais ce que dit ta femme au bout du cinquième orgasme ? Non. Merci, Bob. Oh, le combat de coq. Ah oui, il faut applaudir, oh, merci. Bob. Maurice, ça va être à toi. Oui. C'est un type qui discute avec son copain. Tu sais, ça va mal ces jours-ci. Ma femme passe ses soirées à faire les tours des bars de la ville. Elle est alcoolique, répond son ami. Non, elle me cherche. Elle est rigolote, celle-là. Et alors, voyez-vous, n'est-ce pas ? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un blanc qui fait un clin d'œil à un noir ? Alors, il faut que je dise à Laurent que Philippe est en train d'imiter Le Pen, là. Je sais, j'ai... Ah, t'as compris, oui, hein, bah, alors, je refais, parce que là, tu m'as coupé. Alors, voyez-vous, n'est-ce pas, Marie-Caroline ? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un blanc qui fait un clin d'œil à un noir ? Non. Un sniper. Une question ? Une question. Alors, la question que je voulais vous poser... Ah oui, on relève le niveau. Dans quel livre, oui, d'Agatha Christie, oui, Mort sur le Nil, Hercule Poirot, trouve-t-il l'auteur de Meurtre en Égypte ? Bonne réponse de Bob Duclos. T'as dit quoi ? Mort sur le Nil. Quel con, ce Bob ! Là, t'as pas fini de te faire engueuler par Fabrice. Non seulement il donne les réponses. D'habitude, je mets une seconde, là j'ai mis moins trois. Moi, j'en ai une très bonne question d'ailleurs. Dans quel livre d'Agatha Christie ? Oui. Eh ben, trouvez la réponse. Bon, faut que je trouve une autre question. Ah oui, parce que là, on peut pas rester là-dessus. Non. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un bouquin d'Agatha Christie, dis donc. Ah bon ? Ah, j'en ai lu plein, et puis ça fait très longtemps. Elle en fait toujours ? Non, là, je meuble pour que Philippe ait le temps de trouver une question. Ah oui. Alors. Oui, elle écrit toujours. Elle écrit toujours. Mais qui sa maison de retraite. Elle est morte. Mais elle est morte, quoi. Et alors, Robert Ludlum aussi, il est mort et il publie un bouquin tous les ans. C'est vrai en plus. Eh ben oui. Et Pierre Belmar, il est mort. Et puis... Ah non, il ah est non pas, pas encore. Non, il est pas mort. Pas avec Erdif, peut-être. Voilà. Bon, Philippe. Nous, quel est le plat ? Alors là, c'est une question pour Maurice. Ah. Si. En Bourgogne. Ah, je croyais que ça parlait d'Amérique du Sud. En Bourgogne. Maurice, tu connais bien Amureroa. À Amureroa, en Bourgogne. Quel plat de Bourgogne est une variante de la daube provençale ? L'escargot. Non, c'est pas l'escargot. La daube. Parce que Maurice est quand parce même... Parce qu'il y a l'escargot de Bourgogne. Originaire de Bourgogne. Non, je ne suis pas originaire de Bourgogne, moi. Mais qu'est-ce que tu vas foutre en Bourgogne ? Parce que j'ai une maison, j'ai des propriétés là-bas. Surtout des vignes, tu vois. Ah oui, ça s'entend. Alors. Et en Bourgogne, il y a quoi ? Il y a le... La daube, c'est le dernier concert non, de Mylène Farmer. Non, c'est pas le pot-au-feu. Le quoi ? C'est un plat. La daube, c'est le dernier concert de Mylène Farmer. C'est pas faux. Ah, oui. C'est pas le Raphaël, non ? Non, c'est pas le Bourguignon. Bonne réponse de Maurice. Quel est le mari de la lait ? Ah. Oh, c'est facile. Bah oui, allez Maurice. Allez Maurice. Quel est le mari ? Maurice. Alors on laisse pour Maurice. Le mari de la lait. Le beau. Le cochon. Le cochon. Ah non, le cochon, c'est la truie. La truie ? Oui. Le cochon, non ? C'est un genre de cochon. C'est pas un cochon. Un cochon d'âne ? Ça commence par un H. Ah, un cochon d'âne ? Il n'y a pas de H. La passe, c'est un U. Ah oui, je sais ce que c'est. Attention. On sent que ça vient. Ah, vas-y Maurice. La réponse de Maurice. Tu sais toi, Laurent ? L'urticaire. Non mais là, c'est les conneries, faut pas écouter ce qu'il dit. Oui, le mari de. Alors il y a que Maurice qui. Le mari de la lait. Qui sait pas autour de la table, donc on va le laisser. Hein. Le sang. Ça détériore. Ça. Alors. Oui, t'étais. Oui, t'étais dessus. Oui. T'étais dessus. Enfin, t'étais dessus. Il y en a en Bourgogne. Des blaireaux. Ah, si. Il y en a en Bourgogne. Il aime des blaireaux. Maurice a trouvé la bonne réponse. Blaireaux. Non, c'est pas des blaireaux. Ah oui. Ah, t'es souvent dessus, oui. Il y en a en Bourgogne. Alors là, je vois pas. Il y a la petite non. qui s'envole. Ça, c'est la dinde, ça, non. c'est autre chose. On peut t'aider, Maurice ? Oui. Tu peux en charger sur ta voiture. Ah oui, ah oui. Et c'est Philippe, ça lui est déjà arrivé. Oui. Et à son père aussi, le oui. concessionnaire Mercedes s'en rappelle. Ah bah ça, c'est quand, ah tu, oui, quand tu rentres dedans. C'est Obélix, le fameux c'est gibier là qui traverse, là qui... Et voilà. Voilà. Je suis en le buffle. Je suis en train de chercher le nom. Tu, on t'a dit tout à l'heure, c'est un genre de cochon. Oui, oui. Pense à Obélix. Pense à Obélix. Le requin blanc. Le requin blanc. Mais qui traverse. J'ai vraiment un trou de mémoire là, non. Astérix. Je suis sûr que c'est de mémoire. Astérix, le requin blanc, j'ai rien compris. À Tahiti. À Tahiti, le requin blanc. Mais il y en a plein, Maurice. Maurice. Alors. C'est pas le blaireau. Ah non, mais... non, c'est pas le blaireau. Mais est-ce que tu le vois ? Bon, si tu nous le décris, on accepte la réponse. Ça mange des glands. Oui. Maurice ! Oui. Alors. Non, mais bon, ça, ça fout le bordel partout, ça détend. Bon, alors vas-y, Maurice. Si tu... Alors, il y en a des si avec tu... et lui, c'est un sang. Si tu nous le décris. On ça a des poils, ça. Ah oui, oui. Ah oui, ça t'aime bien oui. avec les poils. Ça c'est bonne réponse déjà. Ça, ça a des peu poils. Oui. Marron noir là. Oui, oui. oui. Il y a des blondes. Ah, il y en a des blondes. Je suis en train de chercher le nom. Je connais. Hein. Ah, ah, bah heureusement. Ah, parce que t'en connais personnellement. Non. t'as leur portable. Non, ça, il y en a d'autres qui ont des portables. Ça mange des châtaignes aussi. Ah, ah oui. bon. Ouais. Je vois ce que c'est. Mickey Rourke. Ça marche au gland et à la châtaigne. Comme, ouais. et Maurice, comme les femmes. Non, non, comme Maurice, au gland et à la châtaigne. On verra ça. Oh là là. Le sang. Qu'est-ce qu'il mange, Omer? Sanglier. Ouais. Je cherchais le nom. Non, c'était une réponse difficile. Hein. C'est vrai que c'était pas facile. Ah, là, Fabrice pourra pas nous accuser d'avoir répondu trop vite. On va remercier également autour de nous Frédéric Coster. Oh, bravo, bravo, bravo. Qu'on va aller également applaudir. Mais il passe où Frédéric Coster au en ce moment hall. Au Comic Hall. Comic Hall. Il n'y a pas de métro c'est... pour y aller. Ah si, si, si. C'est, c'est rue Pradier dans le 19e métro Pyrénées. Pyrénées, voilà, Pyrénées. Ah, et oui. donc c'est tous les vendredis et samedis. Vendredi dans le 19e. Oui, ouais. vendredi, samedi, 19h30. On va remercier également autour de la table GG. Ah, oui. On va remercier Maurice. Ah, oui, merci à tous. Et sa femme. Alors, on remercie également Bob du club. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui. Ah, bah, oui. Bravo, bravo. Sans sponsor. Oui. Et puis exceptionnellement, oui. Philippe Bello. Bello. Ah, ouais. Ouais. Merci à Davy pour la réalisation. Et on oui. vous rappelle ah, plusieurs là, choses importantes. Alors, très important. Très importante. La première chose, c'est que si vous avez Facebook. Oui. Il faut absolument que vous vous inscriviez au groupe On va se marrer. Bien parce sûr. Que vous y retrouvez les émissions en podcast, les infos sur nos invités, quand ils font des nouvelles scènes, etc. Ah. On vous les met sur le site. Quand ils font des télés, on vous les met également sur le Facebook. Donc, on va se marrer. Et si vous n'avez pas entendu toute l'émission depuis le début, vous la retrouvez aussi sur notre podcast, sur iTunes et sur onvasemarrer.com. Ah, oh, oui, merci à tous. De votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Et bravo! C'est pas Sim qui vient la semaine prochaine.